بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء. Et dans Sahih Muslim, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah a prédestiné, certes, Allah a décrété la prédestinée ou la destinée des créatures avant de créer les cieux et la terre. Et donc Allah Ta'ala a décrété la destinée des créatures 50 ans avant, 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, excusez-moi. Alors que son trône était au-dessus de l'eau. هذا الحديث قد تكلمنا عنه في دروس قد مضت. Ce hadith là on l'a déjà abordé dans des cours précédents. وفيه أسبقية القدر على حدوث الأشياء وأنها مقدرة. Il y a dans ce hadith donc le fait que le destin précède la création des choses et que toutes ces choses là donc sont prédestinées. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. Et selon علي بن أبي طالب رضي الله عنه, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: il n'y a aucun d'entre vous sans que sa place en enfer fût écrite et que sa place au paradis fut écrite. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل. Alors il dit: ô messager d'Allah, ne pouvons-nous pas nous appuyer sur ce qui a été écrit nous concernant? Notre place au paradis et notre place en enfer a déjà été écrite. Et donc, n'allons-nous pas nous appuyer sur cette écriture et délaisser les œuvres? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant: I'amalu fa kullu al-muyassarun lima khuliqa lah. Œuvrez, car chacun sera facilité à ce pourquoi il a été créé. Amma man kana min ahli as-sa'adati fa sayuyassaru li'amali ahli as-sa'ada. Concernant celui qui fait partie des gens du bonheur, alors il lui sera facilité l'accomplissement des œuvres des gens du bonheur. Wa amma man kana min ahli ash-shaqawa fa sayuyassaru li'amali ahli ash-shaqawa. Et concernant celui qui fait partie des gens du malheur, alors il lui sera facilité l'accomplissement des œuvres des gens du malheur. Thumma qara'a, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a récité: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Concernant celui qui a donné, qui a eu la crainte d'Allah et qui a été pieux et qui a cru à الْحُسْنَى, la meilleure récompense, le paradis, alors nous allons lui faciliter الْيُسْرَى, nous lui faciliterons toutes choses, et disent les savants dans le tafsir. هذا الحديث مخرج في الصحيحين. Ce hadith, ce deuxième hadith donc qui cite l'auteur, il a été cité dans الصحيحين. وقد تكلمنا عنه في الدرس الماضي. Et certes, on a abordé ce hadith là aussi lors du cours précédent. ففيه عدم جواز الاتكال على كتابنا وأنه يجب علينا أن نعمل ونحرص أشد الحرص à l'al-qiyam bil-a'mal al-saliha. Et donc, comme on a vu la semaine dernière, il y a dans ce hadith le fait qu'il n'est pas permis de se baser et de s'appuyer sur notre destin. Il n'est pas permis de se baser que la personne, elle délaisse les œuvres. Elle dit, c'est pas la peine que je fasse, que j'essaie de faire la hijra. De toute façon, Allah, il a déjà prédestiné que moi, je vais rester ici. Non. Il n'est pas permis de nous baser sur le destin. Mais il nous est obligatoire d'accomplir des œuvres et de nous efforcer à accomplir des œuvres de piété. فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا يَعْلَمُ أَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. Car aucun d'entre nous ne sait s'il fait partie des gens du paradis ou s'il fait partie des gens de l'enfer. Aucun d'entre nous ne sait où il va mourir et comment il va mourir. وَالْعَجِيبُ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ يُشَهِدُونَ أَنَّهُمْ لَا يَتَّكِلُونَ عَلَى الْقَدَرِ لِأُمُورِهِمُ الدُّنْيَوِيَّةِ فَمَنْ أَرَادَ مَالًا مَثَلًا ذَهَبَ يَشْتَغِلْ أَوْ يُتَاجِرْ. Et ce qui est surprenant, c'est que les gens, ils voient tous, ils sont tous témoins du fait qu'ils ne se basent pas sur le destin concernant leurs sujets mondaux. Le sujet donc, excusez-moi, terrestre, on va dire. Et donc, ils ne se basent pas sur le destin concernant leur sujet terrestre. Mais, si l'un d'entre eux a besoin de travailler, si l'un d'entre eux doit travailler, excusez-moi, si l'un d'entre eux a besoin d'argent, a besoin à certaines nécessités, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher du travail. Ou il va faire du commerce. Il ne va pas rester là à dire « Ah, Allah a prédestiné que je n'ai pas d'argent. » Ou « Allah a prédestiné que l'argent va venir tel... » Non, il va faire les causes. Et donc ça, c'est concernant Ad-Dunya. Idem, « In kan al-mar'u la yattakilu ala al-qadari fi umur ad-dunyawiyya. فلماذا يريد أن يتكل عليها أو عليه على القدر في الأمور الدينية. Et donc si l'individu ne se base pas sur le destin concernant ses sujets terrestres, ses sujets, ses affaires mondaines, comment se fait-il qu'il s'appuie sur le destin, se base sur le destin pour son affaire religieuse, le paradis ou l'enfer? والآيات التي استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فيها أن الجنة لا يدخل فيها أو لا يدخل فيها إلا بعمل. Et certes, les versets qu'a utilisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il y a dans ces versets le fait qu'on ne rentre au paradis que par des œuvres. إذن لا نستطيع أن نترك العمل زاعمين أننا نتكل على الكتاب. Et donc nous ne pouvons pas délaisser les œuvres. Le fait d'accomplir de bonnes actions, le fait de faire ce qui était obligatoire, tu ne peux pas délaisser cela en prétextant que c'est qadar Allah, c'est le destin. Tu ne peux pas. وهذه الآية أيضا فيها أمر عظيم وهو أن الله ييسر للمطيعين من هذه الأمة. Il y a aussi dans ces versets un sujet grandiose, le fait que Allah Ta'ala, il facilite à ceux qui sont obéissants dans cette communauté. Allah Tabaraka wa Ta'ala qui dit فَمَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Alors il fait l'éloge d'un certain groupe de personnes, Tabaraka wa Ta'ala, et donc celui qui donne, qui dépense, qui a la crainte d'Allah Azza wa Jal, qui va obéir à Allah, accomplir les obligations, délaisser les interdits, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, et qui croit en الْحُسْنَى, le paradis, alors Allah va lui faciliter toutes choses. فَيَا مَنْ خَافَ فَيَا مَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْفَقْرِ إِنْ هَاجَرْ. أليس الذي يرزقك هنا هو الذي يرزقك هناك؟ فلما الخوف؟ toi qui as peur de la pauvreté si tu fais l'émigration, la hijra. Toi qui as peur de la pauvreté, n'est-ce pas que celui qui t'accorde ta subsistance ici, c'est le même qui t'accorde ta subsistance là-bas? Alors pourquoi avoir peur? Nous devons nous concentrer sur l'obéissance envers Allah tabaraka wa ta'ala. Allah facilite toutes choses. Tout ce qui peut paraître difficile. Parfois certaines choses peuvent paraître difficiles. Comment on va faire? Mais comment va-t-il faire? Allah, il facilite à qui il veut parmi ses créatures. Toi, concentre-toi sur une chose. Le fait d'obéir à ton Seigneur. De faire ce qui t'a été ordonné. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah, il lui accorde une issue. Il lui accorde une subsistance de là où il ne s'y attend pas. وَأَيْضًا الْعُلَمَا اِسْتَدَلُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ لِأَمْرٍ نَذْكُرُهُ كَثِيرًا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِعِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى. Et aussi les savants, ils s'appuient sur ce hadith pour un sujet que nous citons souvent, régulièrement, lié à la science d'Allah tabaraka wa ta'ala, la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fallahu bi kulli shay'in alim. Allah est connaisseur de toutes choses. Il connaît toutes choses. Ya'lamu ma kana wa ma sayakun. Il sait ce qui s'est passé et ce qui va se produire. وفي هذا الحديث أن الإنسان كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. Et il y a dans ce hadith le fait que l'être humain, sa place au paradis et sa place en enfer ont déjà été prescrites. Ont déjà été écrites. Sa place au paradis et sa place en enfer. فالمرء وإن كان من أهل الجنة فمقعده من النار مكتوب. Et donc l'individu, même si il fait partie des gens du paradis, sa place en enfer, elle est déjà inscrite. Elle est inscrite, même s'il fait partie des gens du paradis. Ça veut dire quoi? قالت العلماء إن الله يعلم ما كان وما سيكون. وَمَا لَمْ يَكُنْ وَلَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُنْ. Et donc les savants, ils ont dit que Allah Ta'ala, il sait ce qui s'est passé, ce qui va se produire, ce qui ne s'est pas passé, et que si cette chose devait arriver, comment elle devait être. Une personne qui rentre au paradis, elle n'est pas rentrée au paradis, mais si elle devait rentrer au paradis, alors sa place, c'est celle-là. Et donc Allah, il sait tout. Il sait toutes choses. Les choses passées, futures, celles qui ne se sont pas produites, et si elles devaient se produire, comment elles auraient été? Subhanallah. Thumma qala al-mu'allif rahimahullah wa al-muslimin ibn Yasar al-Juhani qala سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية الله تبارك وتعالى كدي وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. Et donc selon مسلم بن يسار الجهني que عمر بن الخطاب رضي الله عنه fut interrogé concernant le verset suivant. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Et lorsque ton Seigneur a pris des enfants de Adam, de leur descendance. فَقَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سُئِلَ عَنْهَا. Alors Omar, il a dit, Certes, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui fut interrogé concernant ce verset. Fakala inna Allah khalaqa Adam thumma masaha dhahrahu bi yaminihi fastakhraja minhu dhurriyatan fakala khalaqtu ha'ula'i lil janna wa bi 'amali ahli al jannati ya'malun. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fut interrogé concernant ce verset, il a répondu en disant: certes, Allah a créé Adam et il a passé sa main droite sur son dos et il en a fait sortir sa descendance. Et il a dit: ceux-là, je les ai créés pour le paradis et c'est avec les œuvres des gens du paradis qu'ils vont œuvrer. ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ. Et ensuite, il a passé sa main sur son dos et il en a fait sortir une descendance. Et il a dit: et ceux-là, je les ai créés pour le feu. Et c'est avec les œuvres des gens du feu qu'ils œuvront. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل. Alors un homme a dit: ô messager d'Allah, alors pourquoi œuvrer? Nos œuvres, elles sont Allah tabaraka wa ta'ala a déjà prédestiné un tel pour le paradis, un tel pour l'enfer. Pourquoi les œuvres? Pourquoi œuvrer? Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: inna Allah idha khalaqa al-'abda lil jannah استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: certes, Allah, lorsqu'il crée un serviteur pour le paradis, il fait en sorte que ce serviteur accomplisse les actes des gens du paradis jusqu'à ce qu'il meure en accomplissant un acte parmi les actes des gens du paradis et qu'il lui fasse rentrer au paradis par cet acte, par celui-ci. Et lorsque Allah crée un serviteur pour le feu, alors il l'utilise, il fait que celui-ci accomplit les actes des gens du feu jusqu'à ce qu'il meure. Jusqu'à ce qu'il meure en accomplissant un acte parmi les actes des gens du feu. Et que Allah le fasse rentrer dans le feu par celui-ci, par cet acte-là. رواه مسلم رواه مالك. Donc le hadith a été rapporté par Malik. والحاكم qui a dit على شرط مسلم. Donc le hadith respecte les conditions de l'imam muslim. Et aussi rapporté par Abu Daoud. ومن وجه آخر. Et aussi d'une autre narration, d'une autre version. عن مسلم ابن يسار. Et aussi une autre narration selon Muslim ibn Yasar. عن نعيم ابن ربيعة. Selon نعيم ابن ربيعة. عن عمر. ففي هذا الحديث أمر مهم أيها الإخوة والأخوات. Là dans ce hadith, c'est un point important qu'on a vu tout à l'heure. وهو أن المرء لا يدخل الجنة إلا بعمل. Il y a dans ce hadith le fait que l'individu ne rentre au paradis que par des œuvres. Tu ne peux pas rester là et dire: non, moi, c'est Qadar Allah. Qadar Allah. Tu lui dis: mais pourquoi tu ne pries pas? Qadar Allah. Pourquoi tu ne fais pas ci? Qadar Allah. Regarde ce qu'il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que lorsque Allah tabaraka wa ta'ala, il crée un serviteur pour le paradis, yasta'miluhu bi'amali ahli al-jannah. Il le fait accomplir les actes des gens du paradis. Il n'a pas dit yudkhiluhul jannah. Il n'a pas dit Allah, lorsqu'il crée un serviteur pour le paradis, il le fait rentrer au paradis. Il a dit lorsque Allah crée un serviteur pour le paradis, il le fait accomplir les actes des gens du paradis. Idhan al-jannata la yudkhalu fiha illa bi'amal. Et donc nous ne pouvons rentrer au paradis que par des œuvres. Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala, il dit Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Rentrez au paradis par la cause de ce que vous avez accompli, les œuvres. Et même chose pour l'enfer. Et donc c'est en accomplissant des œuvres que la personne va aussi rentrer en enfer. Et donc, nous ne pouvons pas rester là sans rien faire et dire le destin, comme certains peuvent le faire par faiblesse et par ignorance. Ensuite, l'auteur, il nous cite aussi une autre narration selon Hisham ibn Hakim. Anna rajulan qala ya Rasulallah atubtada'u al-a'mal am qad qudiya al-qada'. Et donc, un homme a dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, est-ce que c'est par les œuvres que les choses commencent ou alors le destin a déjà été décrété? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna Allah lamma akhraja dhurriyata Adam min dhahrihi, ashhadahum ala anfusihim, thumma afadha bihim fi kaffayhi. فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. Et donc il a dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah tabaraka wa ta'ala a fait sortir de Adam sa descendance, lorsqu'il les a fait sortir de son dos, alors il les a fait témoigner contre eux-mêmes. Et ensuite il les a répartis dans ses deux mains. Et il a dit, ceux-là sont pour le paradis et ceux-là sont pour l'enfer, pour le feu. Les gens du paradis sont facilités dans l'accomplissement des actes des gens du paradis. Et les gens de l'enfer sont facilités pour l'accomplissement des actes des gens de l'enfer. Et donc ce hadith, il a été rapporté par At-Tabarani. Et ce hadith donc va appuyer ce que nous avons cité précédemment et ce qu'on a aussi vu la semaine dernière. Il y a un sujet qui est important de citer. À la base, je voulais pas l'aborder. Mais lorsque j'ai vu qu'un prêtre a abordé ce genre de sujet pour répliquer sur les musulmans, je me suis dit, on va l'aborder, inshallah ta'ala. Question à laquelle on va répondre la semaine prochaine, bi'idnillah ta'ala. Est-ce que les serviteurs sont Moussayyaroun ou pas? Est-ce que les serviteurs sont asservis, donc soumis à Allah ou pas? Pourquoi est-ce qu'on pose cette question? Et concernant le destin, c'est parce que ce prêtre, il a voulu dire que nous les musulmans, nous prétendons que Allah tabaraka wa ta'ala, que les créatures sont soumises à Allah. Que les créatures sont soumises à Allah. Mais, et donc ce prêtre il dit, les péchés qu'il y a sur terre montrent bien que les créatures ne sont pas soumises à Allah. Et donc voilà la question